Je me serais bien vu en homme d'affaires, médecin ou avocat. J'aurais déchiré, je me serais bien vu dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit. J'aurais tout donné si j'avais fourni les efforts là où il faut comme il se doit. Je vous aurais tout scotché, mais j'ai jamais vu l'intérêt d'insister. Je me serais bien vu dans une sitcom ou bien dans un sport combat. J'aurais déchiré, je me serais bien vu dans la Starac ou bien dans Koh-Lanta. Je les aurais tous bouffés, je me serais bien vu en chanteur lyrique à l'opéra. Vous auriez tous vibré, mais j'ai jamais vu l'intérêt de vraiment travailler. De déserter la flemme qui me fait exister, persuadé que j'ai un stock d'énergie limité. Je me serais bien vu en Gandhi ou bien en Che Guevara, je crois. J'aurais tout changé, je me serais bien vu en Jésus, en Moïse et même Bouddha. Vous m'auriez tous prié, je me serais bien vu en Bruce Willis, Stallone ou Travolta. Paris, c'est la monnaie, mais j'ai jamais vu l'intérêt de vraiment travailler. Jamais vraiment déchiré. Pour ça, elle aurait fallu que j'aille travailler.